Oh chérie, viens près de moi. Tu me rends fou tellement. D'où l'on vient, rappelle-toi. À l'époque, on se disait, rappelle-moi. Pourquoi tu me parles des autres? Comme moi, c'est toi que je vois. Pour les autres, moi, j'ai pas de réseau. Mais pour toi, j'ai les quatre barres. Demain, c'est tout, tout, tout. Tout, tout, tout. J'te donnerai tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Vas-y, tiens-moi. On peut aller loin. Dis-moi où je t'emmène. T'arrives sans dire bye, bye, bye. On est bien là. C'est qu'on peut aller loin là. Faire le tour de la terre. T'arrives sans dire bye, bye. Si je t'emporte moi, moi je t'aimerai n'importe quand. Pour t'apaiser je trouverai les mots. Fais attention, t'as mon cœur dans les mains. Eh, moi j'aime aussi tes défauts. Et je te reconnaîtrai même dans le noir. Vas-y tiens-moi, on peut aller loin. Dis-moi où je t'emmène. Ta vie sans dire bye bye bye. On est bien là, c'est qu'on peut aller loin là. Faire le tour de la terre. Ta vie sans dire bye bye bye. Sans dire bye bye bye. On est bien là, c'est qu'on peut aller loin.